Likomanyanga. Alphonse Kougimana est à la mise en œuvre de ce journal et donc voici d'abord le sommaire. Des explosions de grenades se sont fait entendre ce dimanche soir en zone urbaine de Kamenge, tout près de la paroisse de Kamenge dit Chebuyengiro. Au moment où les réseaux sociaux parlaient de cette personne blessée, le porte-parole de la police burundaise s'est réservé de tout commentaire. Comparution ce lundi de Sandra Muhoza, journaliste de La Nova Burundi, devant le tribunal de grande instance de Mukaza. Elle est détenue à la prison centrale de Mhimba depuis jeudi 13 avril 2024 sur deux accusations: atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. Aucune personne ne sera accueillie par un administratif en province Ngozi s'il ne portait pas de chaussures, et cela dès le début de l'année prochaine. Annonce faite par le gouverneur de cette province au terme des travaux communautaires de ce samedi sur la colline Nyaruntana en commune province Ngozi. Bienvenue à cette édition. Ouvrons ce journal par la page santé. Le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida dit attendre les résultats des analyses biologiques et du laboratoire avant d'infirmer ou de confirmer l'épidémie d'Ebola au Burundi. Le ministre de la Santé l'a dit dans une déclaration de ce lundi, après qu'une jeune fille qui se faisait soigner à l'hôpital militaire de Kamenge serait morte suite à l'épidémie d'Ebola. Suivez plutôt la ministre Lidwine Baradahana qui appelle la population burundaise à la vigilance. Des rumeurs circulent durant ces quatre derniers jours sur les réseaux sociaux par rapport au soi-disant cas d'Ebola ici à Bujumbura. De quoi s'agit-il en réalité? Il s'agit d'une fille congolaise de 9 ans qui a consulté l'hôpital militaire de Kamenge en provenance d'Uvira, district Murongwe, province Tanganyika, le jeudi 2 mai 2024 et qui est décédée suite à un syndrome qui ressemble bien au syndrome hémorragique. Face à situation pareille, l'hôpital militaire de Kamenge a pris toutes les dispositions et a respecté tous les protocoles de l'OMS en la matière. Des prélèvements ont été faits par l'INSP avec l'appui de l'OMS pour des analyses biologiques au laboratoire. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida saisit cette occasion pour porter à la connaissance du public qu'à ce stade, il ne s'agit pas du tout d'un cas d'Ebola ni d'une toute autre maladie hémorragique. Les investigations sont donc en cours et nous vous promettons que nous vous tiendrons informés des résultats du laboratoire. Mais face à un cas pareil, même suspect, il est évidemment nécessaire de faire preuve de vigilance en adoptant les mesures de précaution en tout temps et en tout lieu. Et dans la page sécurité, des explosions de grenades ont été entendues dans la nuit de ce dimanche dans des bistrots qui sont près de la paroisse Kamenge dit Chebuyengiro. Nous sommes en zone Kamenge de la commune urbaine de Narangwa. La population près de la place appelle au renforcement de la sécurité dans des lieux de rassemblement et au désarmement de la population civile en détention illégale des armes à feu. De l'État avec Lydie Gaimbat. Comme nous l'avons constaté au bistrot communément appelé chez Kiramvu, c'est tout près de l'église catholique paroisse de Sanguido Marie Conforti, appelée communément chez Uyengero, tout près également de l'église protestante appelée Minevam. À cet endroit, les vitres et les fenêtres de ce bistrot sont abîmées. À l'intérieur, on observait des trous où sont passés les écrans de ces grenades. Les habitants trouvés sur le lieu nous ont raconté que c'était aux environs de 20 heures et ils ont entendu des bruits. Ils se sont vite précipités vers l'extérieur pour voir ce qui se passe et ils ont constaté qu'il y a déjà qui sont blessés et qu'on les transportait au centre de santé. C'était aux environs de 20 heures. Chacun se trouvait chez soi. Nous avons entendu des explosions. Nous avons vu déjà qui courent allant dans tous les sens. Nous sommes précipités vers le lieu où nous avons vu des gens qui sont blessés et transportés au centre de santé. C'était là-bas chez Kiramvu. Ses habitants demandent au gouvernement de mettre en place des positions policières pour la sécurité, surtout dans les endroits où se rencontrent beaucoup de gens. Car selon eux, cela pourra arriver dans les autres endroits. Nous demandons au gouvernement de renforcer la sécurité. Ici se rencontrent beaucoup de gens, vous le voyez. C'est tout près de deux églises. L'une catholique d'Iwuyengero et l'autre protestante du Minevam. Que la sécurité soit renforcée ici, car le drame s'est passé ici comme ça pouvait se passer soit dans les églises ou d'autres endroits. Ils demandent également au gouvernement de continuer la politique de désarmement au sein de la population, car selon eux, se sont remarqués qu'il y a encore des gens qui possèdent des armes et qui pourraient commettre des crimes. Dit Gahimbare, au moment où les réseaux sociaux parlaient de cette personne blessée, contacté à ce sujet, le porte-parole de la police burundaise s'est gardé de tout commentaire. Comparution en chambre de conseil du tribunal de grande instance de Mukaza de la journaliste Sandra Moza du journal La Nova Burundi, accusée d'atteinte à l'intégrité territoriale et d'aversion sociale ce lundi. Selon son avocat, Maître Prosper Niyangana, cette comparution avait pour but de décider à propos de la liberté provisoire de notre consoeur. Il déplore que la journaliste a été arrêtée dans des circonstances douteuses. Maître Niyangana demande à la justice burundaise de relâcher Sandra Muhoza, car selon lui, le chef d'accusation n'est pas fondé, car il est basé sur des commentaires tenus dans un groupe WhatsApp suivant. J'essaie de voir si réellement elle devait rester en détention ou si elle devait bénéficier d'une liberté provisoire. C'est ce qu'on appelle une chambre de conseil. Ça veut dire que en cours de juges, ça veut dire trois juges, vont analyser les faits et voir si, conformément à la loi de la procédure pénale, elle ne pourrait pas être relaxée et remise en liberté et pouvoir suivre sa procédure en étant en liberté. La loi elle-même prévoit que la décision doit intervenir au cours des 48 heures. J'ai été désolé de constater qu'une personne poursuivie des faits qui auraient été commis par une personne résidant et travaillant à Ngozi puisse être déférée devant le parquet de Mukaza, alors qu'à Ngozi il y a un parquet. Donc le commissaire Ngozi, ayant une parfaite compétence sur les faits tels qu'ils ont été décrits par le ministère public, et puis comme s'il n'avait pas de compétence, alors que la loi le lui reconnaît, conduire immédiatement après la première audition, d'Ngozi à Bujumbura, comme si à Bujumbura, il y aurait plus de compétences qu'à Ngozi. Alors qu'en réalité, la loi est claire, à Ngozi et à Bujumbura, c'est la même compétence. La première accusation, c'est l'atteinte à l'intégrité du territoire national. Pour des faits qui concernent les mots, les échanges entre collègues. Et il y a aussi l'atteinte, disons, la manifestation de l'aversion raciale. L'aversion raciale quand même. C'est un commentaire qui a été fait. Un commentaire qui n'avait d'autre effet que d'échanger avec les autres. Et même, les autres en ont dit pratiquement autant, mais ils ne sont pas poursuivis. C'est pour cette raison que je demanderai aux autorités, tant administratives que judiciaires, de franchement ordonner la libération ou à tout le moins la liberté provisoire à Mme Sandra parce qu'elle n'a rien à faire dans la prison. Entre-temps, le journaliste Kenny Claude Nduimana a comparu jeudi dernier devant le tribunal de grande instance de Mukaza, détenu à la prison centrale de Mhimba. Depuis octobre l'année passée, il est accusé d'outrage envers les dépositaires de l'autorité publique et de l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Après audition, le tribunal a remis l'audience au 16 juillet 2024 et pour cause, son co-accusé dans cette affaire, qui a été libéré provisoirement, ne s'est pas présenté pour l'audience de ce jeudi. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'actualité continue sur Isanganiro, remise ce jeudi d'un bateau de patrouille et surveillance de pêche dans le lac Tanganyika au gouvernement du Burundi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. C'est grâce au financement de l'Union européenne et partenaire financier du projet Latafima avec une somme de 200 millions de dollars. Dans quatre pays riverains pour l'exécution du projet, le représentant résident de la FAO Burundi, Dadimanao Pissing Changai, a signalé que ce bateau aidera dans la lutte contre la pêche illicite dans les eaux du lac Tanganyika. On l'écoute. Dans le cadre d'un projet de la gestion durable des pêches sur le lac Tanganyika, la FAO, ensemble avec le partenaire, l'autorité du lac Tanganyika, a bénéficié d'un financement accordé par l'Union européenne. Et c'est dans le cadre de ce projet aujourd'hui que nous procédons à la remise d'un bateau qui a été acquis sur ce projet. En dehors de bateaux acquis, il y a également une charte qui a été développée, adoptée par tous les pays riverains. Je veux citer ici le Burundi, la Tanzanie, la République démocratique du Congo et la Zambie. Ce bateau n'est pas le seul qui a été fourni au Burundi, mais également fourni aux autres États, de manière à ce que ce soit une lutte coordonnée, une lutte collégiale. Le projet s'arrête, mais l'utilisation du bateau continue, puisque la surveillance doit être permanente et cette surveillance doit être accompagnée. Nous demandons déjà au gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, de faire une bonne utilisation du bateau qui a été mis à disposition. Et nous savons que les pêcheurs indélicats vont aussi développer de nouvelles stratégies pour continuer leur pêche illicite. Mais nous devons continuer ensemble dans le suivi et adapter notre approche de surveillance et de contrôle à cela. Donc le projet s'arrête, mais les activités de surveillance doivent pouvoir continuer. Le projet dans lequel les bateaux ont été acquis est un projet que nous considérons un projet pilote, donc avec un financement de 200 millions accordé par l'Union européenne. Et la compagnie de gérance du coton est minée par le banditisme, selon le chef de l'État, en réunion vendredi en province Ngozi avec les intervenants dans le secteur café. C'est plus de 6 000 frambous par kilo qu'on dérobe aux cotoculteurs. Le président burundais réaffirme sa volonté de lutter contre toute auteur de détournement des richesses de l'État. On l'écoute et traduit en français par Placide Niumungedi. Il y a quelques jours, j'ai tenu une réunion à la COGERCO. C'était très grave. Je n'ai plus rien à dire. Tenez, on achète un kilo de coton pour 550 francs. Ils vendent ce kilo à plus de 6 000 francs burundais. Vous vous imaginez cela? Et les graines sont vendues à 1 000 francs burundais le kilogramme. J'ai trouvé que la COGERCO détourne 6 215 francs burundais par kilogramme. Alors qu'on donne à l'agriculteur 550 francs burundais et l'on dira que cette compagnie a fait faillite. Où est-ce qu'elle met cet argent? Allez-y voir à l'assessement les cannes à sucre. L'on ne voit pas où est la production. Ils n'ont pas de temps pour cela. Si c'est vraiment la mission que vous avez de ruiner le pays, c'est ce que nous allons voir. Que même ceux qui vous succéderont le sachent. Toute personne qui travaille dans une société de production dans l'État, qu'elle sache que nous allons le suivre de près. Allez-y chercher des armes. Ceux qui sont dans le secteur du café, rangez vos hommes et nous, les nôtres, parce que vous ruinez le pays. Toujours dans la bonne gouvernance, aucune personne ne sera accueillie par un administratif en province Ngozi s'il ne portait pas des chaussures, et cela dès le début de l'an prochain. Annonce faite par le gouverneur de cette province au terme des travaux communautaires de ce samedi sur la colline Nyarundana en commune et province Ngozi. Désiré Minane ajoute aussi que dès 2025, tout jeune qui veut se marier devra disposer d'une maison en tôle et cimentée. Des mesures prises selon cette autorité pour promouvoir l'hygiène et revoir à la baisse la forte natalité des Burundais. Certains des habitants de la capitale économique Bujumbura appellent le gouvernement à délocaliser les victimes des inondations de Gatumba, comme il avait promis, mais pas loin de cette localité. ce qui facilitera à cette population sinistrée à bien suivre de près leurs biens. Les citadins l'ont dit ce lundi à nos reporters après que le gouvernement ait annoncé qu'il compte les délocaliser vers d'autres provinces du pays, celle de Muramvya y compris, celle de Mwaro y compris. Suivez-les, ils sont au micro baladeur d'Ornella Mucho. Moi, je me suis déjà rendu dans ces endroits et ça m'a fort touché, surtout par rapport aux conditions de vie de ces gens. Par exemple, les eaux sales qui débordent et qui se mélangent avec les eaux du lac Tanganyika, c'est un danger pour la population, mais aussi pour tous les Burundais. Le gouvernement doit venir en aide à ces gens et ensuite les délocaliser, même si je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles à trouver solution dans l'immédiat. Le gouvernement doit vraiment comprendre que ces gens doivent être soutenus. Ce sont des Burundais. Il doit également prendre cette question. J'ai entendu qu'il y a une mesure de les délocaliser dans différentes provinces du pays et loin de leur maison d'habitation. Pour moi, c'est déplorable, car sûrement que ce sera trop difficile pour eux, car ils n'auront ni terre à exploiter, ni maison d'habitation. L'idéal était qu'ils soient relocalisés dans des endroits qui leur permettraient de contrôler leurs chances pour ceux qui en avaient. J'insiste encore une fois sur l'aide financière, car vous voyez que même ceux qui n'ont pas ces problèmes trouvent difficilement à manger, alors pour ces victimes d'inondations, ça devient grave. Pour moi, les délocaliser est une meilleure solution. La question que je me pose, c'est où les délocaliser? Est-ce que l'endroit est habitable? L'endroit est-il sécurisé? Il faut que le gouvernement soit appuyé par leurs partenaires pour trouver une solution durable à ce problème. Radio Isanganiro, chronique sport. La commission Vérité et Réconciliation peut se servir du sport comme un outil de conciliation ou de rapprochement dans le but de réconcilier les gens qui étaient en conflit dans le passé. Docteur Célestin Vutsebanga, professeur de l'université dans l'Institut de l'éducation physique et des sports, indique que dans ce cas, cette commission peut approcher les spécialistes en matière d'élaboration des programmes sportifs afin qu'il leur présente un programme bien concis. Chronique Sport avec Jean-Marie Vianney Nguendakoumane. Cette commission Vérité et la réconciliation sévère peut utiliser le sport comme outil de réconciliation des gens en rapprochant les spécialistes sportifs en matière d'élaboration des programmes. Propos du docteur Célestin Vutsebanga, professeur de l'université dans l'Institut de l'éducation physique et des sports. Le sport est l'un des moyens qu'on peut utiliser à faire réconcilier les gens. Alors, si le CVR ou les responsables du CVR voudraient utiliser le sport comme outil de réconciliation ou outil de rapprochement, je crois qu'il est plus important d'approcher les spécialistes en matière de sport, en matière d'élaboration des programmes, quitte à ce qu'ils leur présentent un programme bien conçu, allant dans le sens d'éducation, allant dans le sens de vulgariser effectivement ces valeurs de réconciliation, ces valeurs de vivre ensemble. Ce professeur de l'université dans l'Institut de l'éducation physique et des sports a ajoute que ces programmes doivent être conçus avec les objectifs bien précis. Même si on sait que le sport aide à la réconciliation, mais tout dépendra du programme. Et tous les programmes doivent être conçus et il y a un objectif bien précis et bien déterminé. Il ajoute que cela est possible du fait que dans le passé, le sport a été utilisé comme outil de cohésion et de rapprochement entre les résidents au niveau colonial et les réfugiés qui étaient rassemblés dans les différents sites de déplacés. Le sport a été utilisé aussi à faire des rapprochements ou à intégrer de plus en plus les résidents au niveau colonial et les déplacés au niveau des centres. On a organisé des rencontres sportives et là dans le sens de faire les premiers contacts et les premières rencontres de ces deux parties. On a utilisé le sport comme outil de cohésion, comme outil de réconciliation, comme outil de rapprochement entre les deux peuples d'idéologie plus ou moins différents ou qui étaient en situation de différence. On a utilisé le football et c'est à travers ces rencontres qu'il y a eu les premiers rapprochements entre les rebelles et l'armée gouvernementale. Cela ressort dans le travail de recherche de fait d'études doctorales intitulé Le football au Burundi, instrument de renforcement de l'identité collective et moyen de réconciliation entre les ethnies que ce professeur a présenté en 2020. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kougimana pour sa parfaite collaboration technique à la présentation de ce journal. Et vous étiez avec Evariste Ndikoumanyanga. Bonne suite des programmes sur le Sanganiso.